Mireille rencontre Véronique, une amie. Véronique, salut. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Excuse-moi, je suis passée. Au revoir. Au revoir. Ah, Véronique, salut. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Ça va, merci. Ça va, merci. Comment va Véronique? Ça va. Mireille rencontre Ousmane, un ami. Bonjour Ousmane, tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. Où est-ce que tu vas? Je vais à la bibliothèque. Et toi? Je vais à la fac. Salut. Salut. Bonjour Ousmane, tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Oui, je vais bien, merci. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Je vais bien. Merci. Merci. Oui, je vais bien, merci. Comment va Ousmane? Il va bien. Où est-ce que tu vas? Je vais à la Bibli. À la Bibli. À la Bibli. Je vais à la Bibli. Je vais à la Bibli. Où est-ce qu'il va? À la Bibli. Il va à la Bibli. Mireille rencontre deux amis, Marc et Catherine, rue des Écoles. Salut, salut, ça va vous deux? Ça va et toi? Ça va. Vous vous allez comme ça? Nous allons au resto. Déjà? Oui. Eh bien, bon appétit. Salut, salut. Où vous allez comme ça? Où vous allez comme ça? Où vous allez? Où vous allez? Où vous allez? Comme ça? Comme ça? Où vous allez comme ça? Où vous allez comme ça? Nous allons au resto U. Au resto U. Au resto U. Nous allons au resto U. Nous allons au resto U. Déjà? Déjà? Déjà? Ben oui. Eh ben, bon appétit. Ben, bon appétit. Ben, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Où vont les deux amis de Mireille? Au resto U. Ils vont au resto U. Mireille rencontre un vieux professeur. Tiens! Bonjour, mademoiselle Bello. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même, vous allez bien? Je vais bien, merci. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Tiens! Bonjour, mademoiselle Bello. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Je vais bien, je vais bien. Je vais bien, merci. Et vous-même, vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien?